vide, le ventre vide, le cœur est trop petit. Mais l'amour est plus vaste que le ciel. 21 piges, mais déjà trop de rides. J'ai de l'avance sur ma jeunesse, te taise. En bref, je suis juste un jeune en hesse de pèse. J'ai beaucoup de love, pour une lady, je peux être le big love. L'aimer au point de lui faire un gosse avant la nuit de noces. Je suis peut-être souvent en manque de pactole. Mais si tu vois en moi l'homme de ta vie, lady, je te jure, tu gagnes le jackpot. Un cœur de gentleman, un homme sage. C'est le poids de mes rancœurs qui m'a appris à tourner la page. Une foi énorme en Dieu le Père, en Dieu le Fils. En parallèle, beaucoup de mépris pour le peine et pour le fisc. Une conscience salie par le goût du risque. Si j'enchaîne autant les scuffs, c'est par amour pour le disque. Si t'en gères deux à la fois, c'est par amour pour le vice. Trop de frères vendraient leur daronne par amour pour le X. Là où les choses vont de mal en pire, frangin bienvenue dans mon train de vie. Là où tout était tragique, là où le bonheur est fragile. Là où toutes les nuits t'as le cœur qui palpite. Là où y'a plus rien de magique, où tout s'imagine. Car y'a ni bonheur, ni paix, ni joie de vivre. Les petits anges restent forts et dignes. Malgré tout, reste fier de son train de vie. Trop de manque de respect envers celle qui donne la vie. Combien de fois j'ai cru rencontrer celle qui pourrait dans l'avenir être ma wife. C'est le prêtre qui je m'endormirai la night. C'est le prêtre qui je me réveillerai jusqu'à la fin de ma life. C'est la avec qui je comptais faire mes gosses. Avec qui je commencerai ouvrier et je finirai boss. Un cœur glacé mais je garde la tête froide. Même si on biait l'amour, c'est la guerre froide. Y'a pas que ça qui me pourrit la vie. Y'a tout ce manque de yaska, ce manque de nourriture, cette quasi-famine qui me va de ça. Cet échec scolaire, ce père déçu qui malgré tout a toujours foi en l'ange déchu. Les billes n'abandonnent jamais, billes mènent le combat. Soutenu en solo même avec des tonnes de combat. Un genou fléchi, même de genoux fléchis. Je suis capable de mettre le coup de la fin, mais bon avant je réfléchis. Là où les choses vont de mal en pire, frangin bienvenue dans mon train de vie. Là où tout était tragique, là où le bonheur est fragile. Là où toutes les minutes t'as le cœur qui palpite. Là où y'a plus rien de magique, où tout s'imagine. Car y'a ni bonheur, ni paix, ni joie de vivre. Les petits anges restent forts et dignes. Malgré tout reste fier de son train de vie. Chaque fois que je suis sur le point de partir en live, chaque fois je me pose la question. Supporter la pression, chaque fois j'échoue mais je réessaie. Car abandonner hors de question. Tous les jours pour voir si je craque, le mal m'envoie ses espions. Mais je reste fidèle à moi, fidèle à ma team, fidèle à ma personne, fidèle à ma Bible. Ma foi en Dieu et mon zèle sont indomptables. Pour ça que quand y'a de rage, je trébuche mais je tombe pas. Je suis fort comme un château fort. Ma force est dans mon corps et dans mon âme. Et même à tort, moi je ne vendrai pas mon âme. Que le diable aille se faire maître. Que le ciel soit béni, que mon pleur à squat l'MJC en attendant le zénith. Et que le ciel soit avec celui qui me soutient. Bi a une mémoire, bi n'oublie jamais, bi se souvient. Bi a une mémoire, bi n'oublie jamais, bi se souvient. Là où les choses vont de mal en pire, frangin bienvenue dans mon train de vie. Là où tout était tragique, là où le bonheur est fragile. Là où toutes les minutes t'as le cœur qui palpite. Là où y'a plus rien de magique, où tout s'imagine. Car y'a ni bonheur, ni paix, ni joie de vivre. Les petits anges restent forts et dignes. Malgré tout reste fier de son train de vie.